À cette époque-là, en 1964, il y a un autre événement aussi qui a partagé la population de Plozévet en deux clans. Il s'agit de la démolition d'un monument historique, la maison qui résiste. La maison du pirate. Alors, la maison du pirate. C'était presque un combat des anciens, et puis, enfin, des modernes, et puis de ceux qui voulaient conserver un petit peu un brin de, je ne sais pas comment dire, d'histoire et de patrimoine dans la commune, quoi. Alors, bon, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais nous qui avions 20 ans à cette époque-là, on se souvient bien de cette période-là, par contre. Je ne suis pas sûr que c'était ça, l'opposition. En fait, c'était plutôt l'opposition entre les nouveaux un peu urbains. Par exemple, le fils Le Bail aurait voulu protéger ça, mais il n'a pas tellement osé. Il a un peu dérangé, bon, parce que lui-même, il vivait à Paris, c'était un architecte, parce qu'il sentait que la commune, elle, voulait son parking, considéré, etc. Donc, il y avait une sorte de goût majoritaire et de choix majoritaire, et ça aurait été mal perçu, ça aurait été perçu comme une... Et je crois que c'était ça, la véritable opposition. Les gens localement ne tenaient pas, n'étaient pas attachés à la maison comme tradition. Jean-Claude Le Bail était intervenu auprès du cabinet de Malraux. Oui. Et le cabinet de Malraux a voté, donc a envoyé au conseil municipal une décision de non-destruction en dépit de ça. Donc le conseil municipal a été réuni d'une façon, on va dire, un petit peu cavalière en pleine nuit. Et la maison de crédit a été détruite. Bonne raison de protester contre le centralisme parisien. Par exemple, ce n'était pas que des jeunes et des vieux, parce que Mme Losc était l'une des plus virulentes pour défendre la maison de crédit. Ouais. Puis il y avait des jeunes aussi. Comment ? Il est toujours classé monument historique. Oui, il a fallu faire un dossier il y a 2 ans pour déclasser la maison qui réside, qui en 2005 était toujours monument historique.